Dans le cadre de la 36e édition du Téléthon, RCC donne la parole aux personnes atteintes de maladies rares, aux chercheurs pour faire le point sur les maladies, les coordinateurs, mais aussi aux organisateurs de manifestations. Et là, direction Vorep, nous accueillons Jean-Michel Le Sauvage. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, comment allez-vous tous? Ça va bien? Tout va très bien. Alors Jean-Michel, encore un beau programme du côté de Vorep en perspective pour ce samedi, hein. Oui, voilà, et puis comme chaque année, on met le tempo à fond, tout simplement, parce que on aime ça depuis des années, et puis on a envie que ça marche, quoi. Dès ce matin, donc là, ça commence avec du côté de la piscine de Vorep. Oui, la piscine de Vorep, avec la matinée découverte avec Vivre l'eau. Vivre l'eau, qui est une association à Vorep, où c'est les bébés nageurs qui viennent, avec bien sûr leurs parents. C'est formidable, faut voir ça, moi je le vois régulièrement. Et c'est vrai que c'est très dynamique, puis les enfants sont, c'est sûr que ça met du punch. Ça enchaîne ensuite, on a une séance photo avec un monsieur rouge, je crois, un monsieur en rouge. Oui, on a la chance, je l'ai déjà vu le week-end dernier, nous sauverait parce qu'il est passé nous voir pour notre marché de Noël, et puis il m'a promis qu'il serait là ce samedi là pour des séances photo dans notre salle Armand Pignot, c'est la petite salle des fêtes située en plein centre de Vorep. Et ben voilà, si vous avez des enfants, n'hésitez pas. Ah oui, il faut venir parce qu'en plus, il y a d'autres animations qui vont entourer tout ça. Entre autres, on va avoir des manèges qui vont être sur la place Armand Pignot. Il va y avoir la vente de ravioles. Il va y avoir des démonstrations de Zumba, démonstrations de la contre-idance 38. Donc c'est vrai que sur la place, et puis là cette année c'est pas que la matinée, c'est toute la journée. Donc bien sûr on invite un maximum de personnes de nous faire un petit coucou. Bon, eh ben écoute, de bonnes choses à manger, tu l'as dit, avec des ravioles, des crêpes, vin chaud, il y aura des jeux divers sur place pour les petits aussi et pour les grands. Donc rendez-vous à place Armand Pugnot. Là, sur la place Armand Pignot, à partir de 10h, nous, on y sera avant, mais moi, je sais que nous, on ne commence jamais vraiment avant 10h, parce que les gens, surtout c'est le week-end, ne bougent pas trop, quand même, avant 10h, souvent. Donc 10h, et puis après, c'est toute l'après-midi? Oui, toute l'après-midi jusqu'à 17h, parce qu'après, il faut qu'on prépare notre spectacle du soir. Eh oui, c'est ça, on y vient, parce que le spectacle du soir, donc là, pas un, mais deux concerts, et là, en mode rock'n'roll, Jean-Michel. Oui, il y a nos amis de ce matin, ils s'appellent le groupe des Elements. C'est la quatrième fois qu'ils viennent sur Vorep, mais là c'est un grand concert, gros concert, toute la grande salle est pour eux. Et puis venez danser, hein. Il y aura aussi des crêpes salées, des crêpes sucrées. C'est à partir de quelle heure? C'est du côté de l'Arrosoir, c'est ça? Ouais, c'est à l'Arrosoir, dans la grande salle, et on nous les porte, nous, à partir de 19h le soir. Et puis comme ça permet aux gens de s'installer, de commander les crêpes salées, crêpes sucrées, et puis on commence le concert aux alentours de 20h. Il faut arriver pour danser parce que c'est vrai que ça met de l'ambiance. Surtout que c'est quand même de la musique des années 70, 80, 90, donc ils sont 5 sur scène et c'est vrai que c'est très très très très très bien. Ouais. Donc au début de la salle, il y aura une urne parce que le prix est libre, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est prix libre, donc on mettra une urne. On s'est aperçu que les gens, ils donnaient plus facilement dans une urne que des fois imposer un tarif. Et on fait un essai comme ça cette année. Voilà. Au chapeau, comme dirait l'autre, à votre bon cœur. Au chapeau, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc là, on parle concert, mais on va parler aussi sport, puisque le Badminton Club Vorep se mobilise pour le Téléthon aussi. Exactement, comme chaque année, ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils participent à notre Téléthon à Vorep. Et puis cette année, ils font un très très grand défi, mais ils font une sacrée soirée. À partir de 19h dans la salle de l'arcade, c'est une salle des fêtes, une très très grande salle des fêtes qui est juste en face de notre salle de l'Arrosoir. Et ce, à partir de 19h. J'aime beaucoup le thème, c'est marqué soirée badminton, donc c'est à partir de 19h ce samedi. Masqué. Au bad ouais, masqué. Ouais. Ouais, parce qu'il faut arriver masqué, déguisé, ouais. C'est génial comme truc, c'est bien trouvé en tout cas. Donc pour jouer, s'amuser en famille, entre potes, voilà, on n'hésite pas à y faire un tour. Entre potes, tout ça, voilà, et ils se font des défis entre eux, et ça, tout ça, bien sûr, pour le Téléthon. Et oui, une entrée égale un don, voilà, c'est ce qui est bien marqué. Voilà, c'est ça. Ouais, et on, c'est cela. On le précise aussi, c'est donc ouvert aux licenciés ou non licenciés. Hein. Tout le monde peut y aller, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut y aller, voilà. C'est ça le, ce qui est bien. Hein, en général, il y a bon, moitié-moitié. Il y en a, ils font des trucs entre eux, là, sur les licenciés en sein du club ou d'autres clubs, des interclubs. Et les non-licenciés, donc eux, ils jouent entre eux, là, pour pas... parce que c'est sûr que moi, si j'y vais, je vais jouer avec le voisin, mais pas avec un licencié, parce que sinon, je verrais pas passer les volants. Oui, c'est ça. C'est sportif, quand même, hein, le badminton. Ouais, c'est très... On dirait pas, mais... J'ai assisté à beaucoup de tournois, à beaucoup de concours de bad, et c'est vrai que c'est sportif, oui. Bah voilà, ça fait pas mal de choses quand même à aller. Ça fait quand même pas mal de choses, et puis aussi ce jour-là, il y a le rugby de Vorep qui nous reverse ce qu'ils vont faire en match. Ils ont des matchs et puis ils vont nous reverser la buvette. Donc on a 2-3 clubs comme ça qui nous rejoignent chaque année de plus en plus. Un bel élan de générosité ah oui, et de solidarité. Ah oui, super. Super, oui. Vraiment super. Et bah parfait. Comme je me dis, des fois le matin, quand je me lève, que je vois ça, ça fait plaisir. Ah bah oui, ça met le punch tout de suite. Hein. Ah oui, ça met du punch tout de suite. Et puis bon, comme on dit, c'est pas pour nous, hein, c'est pour le Téléthon, c'est pour cette ces fichues maladies qui enquiquinent nos enfants, oui. Ou même des adultes, bien sûr, et puis qu'on se débarrasse de tout ça un jour. Et puis là, c'est vrai que tu as raison de le signaler, les dons, même, il n'y a pas de petits dons, tous les dons sont importants, et vos dons, bah, ça permet là maintenant d'avoir vraiment des choses qui commencent à être concrètes pour les malades. Il y a des avancées, il y a des essais donc avec le Généthon, il y a même des médicaments sur certaines maladies, donc voilà, c'est concret, ça sert vraiment, donc n'hésitez pas à 36-37, oui, allez sur les manifestations comme à Vorep, comme à Saint-Laurent-du-Pont ou comme partout dans l'Isère et en France. Et bah, merci pour nous avoir donné ce beau programme, belle manifestation, bon Téléthon. Bah pareillement, parce que je crois savoir chez vous là-haut aussi, vous faites quelque chose de super sympa. J'ai vu le programme de tout ce qui se passait là-haut, et bah pareil, bah bon Téléthon. Et puis on invite tous les, bien sûr, tout le monde, les auditeurs, à venir sur les terrains. Et puis que ce soit là-haut, que ce soit ici en bas, que ce soit à droite, à gauche, de venir un maximum. Merci beaucoup. Et puis merci, bah, à une prochaine. Merci bien à toute l'équipe. Et puis bon Téléthon à tous.